Yunamius a dévoilé que la Maison Bleue a utilisé de la drogue au cours du mandat de Pakonnen. Un député du Parti démocrate d'Oboulou a rendu public le 30 novembre des dossiers reçus de la part de la garde présidentielle en la matière. Ce sont les stupéfiants interdits d'employer même dans les autres pays à cause des symptômes d'intoxication grave comme hallucination.